Écoute, v'là un gros son, là j'ai tout droit de la passe. Blétrant 93, on défonce tout, entre parenthèses. Reste tranquille, les bandits se rangent dans ce biz. Ça sort ensemble, la concurrence se noie dans ma piste. Tease la, maîtrise la, ma haine attise la, aiguise la, et vise la. Chante la, la cise. Les petites putes restent assises la, criblage la alpha. On va te faire danser la alpha. C'est Morsaille, de truands de la galère. Et ses rêves, de frères trop déter. On pèse les fachos, les commissaires. Les reines, ça, les putes et ceux qui partent derrière. Hey gros, on sent pas les couilles, on pique grave, toujours en gros. Acli en cours, et merde, j'oublie pas mon département. Le 9-5, une bombe à retardement. CRF, mon frère, qui a représenté terre-terre. Applique grave la bonne, peu-peu-peu-R. Hey, ne parle pas trop fort. En bas du sous-sol, on séquestre un gros porc. Un fasciste, un fils de pute. C'est pour mes frères qui sont tous en son prix. Morsaille et CRF, de truands de la galère, cousin. 9-5. 93 G8 dans le réseau. Dracos, Molotov, CRF, yo, oh. Nous c'est numéro 1, autoroute A1. Les petites joies comme vous, on les 1-1. Fais pas un, t'as bien entendu le moteur Dixon. Accélère pas, je viens coller un A. Quand tu m'entends, c'est le cas, tu vois avec Zax, NCCRR, appelle les decks. 93 cocaïne, 93 héroïne, 93 les coupages à la machine. Ici ça rap, ici c'est rabat. Mais dis-moi quel numéro, quel chiffre peut nous battre. Qui fait gueuler tous les publics de France. Venant du 9-3, j'ai mis au top toute la délinquance. Ma parole, alibi c'est le trafic, c'est le placard. Celui qui teste mon département n'est qu'un gros bâtard. 93 au rêve de faire des gros trous au maton. Va dire au gros bâtard que j'ai déjà mon trou et ma tombe. 93, 240 numéro d'écrou. Ferme ta gueule, j'ai vu beaucoup de méros finir la corde au cou. Ma rue de banane, c'est les pattes ici. Elle te fait pas de mal si t'es avec le diable et c'est d'ici. Précis quand ça mate, manigance. 93, longueur d'avance. Pendant que les Tony les manipans.